Des petits bébés qui l'amouraient. Concert underground, mieux que tout cela. Schlag, schlag, schlag, schlag. Mais que t'est-ce qu'avait produit sa bite? C'était nouveau, splendide. De sa tête. Et Jean Jean-Louis Coste lui dit « Ça y est, tu polis maintenant !» Et le fœtus « Oui, oui, oui, oui, je suis poli, papa, osa-t-il dire. » Alors, fais comme ton père, chante des chansons. Fœtus dit, le petit fœtus dit, oui, oui, oui, papa, oui, je vais chanter une chanson pour toi. Oh, mon papa, doré, oh, mon petit père, merci de m'avoir donné la vie sans ovule nécessaire. Oh yeah. Oh mon petit papa, c'est toi qui m'a fait grâce à YouPorn. Et grâce à toi, je suis vivant. Merci, mon petit papa. It's time for us to be cool. It's time for us to be cool. It's time for us to be cool. It's time for us to be cool. It's time for us to be cool. It's time for us to be cool. It's time for us to be cool. Yeah, yeah, yeah, yeah. Jump, jump, dip, dip, dip, jump. Et le petit fœtus chanta une jolie chanson. Et Jean-Louis se connecta sur YouPorn pour un nouveau éjaculer ses propres fœtus. Et un jour, on put entrer chez Jean-Louis. Et on put voir partout de petits bébés miniatures qui dansaient et chantaient. Et c'était joli. C'était joli.